fourmilière. Fourmilière. Ouais, ouais. Ouais, un vent ténébreux souffle ici-bas, comme l'air mystique de l'instru. C'est plus que désastreux, je vois qu'ils veulent tous virer l'intrus. Dans vos débats, je m'incruste, je m'en tape, ce pas d'accord m'insulte. Car les peurs nous accablent, je viens de foutre le mort à ton insu. Tout m'insupporte, même ce que je vois pas de meilleuse. Les plus belles valeurs suffoquent, regarde, tout le monde s'en bat les yeux. T'as plus de joker, mec, la vie c'est du bluff. T'es sur le carreau vite fait, tu peux te faire piquer pour une paire de seufs. Sauf que c'est pas le plus grave, là-haut des tas de pulcras, ça sera durable. Tant qu'à 20h des gars comme Fabius parlent, et tu me diras que j'abuse. Crois pas que le rap m'amuse, ceux qui font que ça dérape j'accuse. On m'a pas muselé, pour le cash ça ruse. Des taches de sang sur des lâches carusses. Tu crois que nos mains sont clean, qu'aucun de ces malfragruges. T'es mal grabuge, en bas ça se tape pour les restes. De sale peine ça purge, pas le même statut pour tous les êtres. De ce casse-tête on sature, car c'est la ceinture qu'on serre, on s'insurge. D'autres la font péter en pleine salle de concert. C'est gorge, t'assure, la guerre est à nos portes. Mais c'est sur mon pote que ça s'arrêtera pas tant qu'on jettera nos fautes. Beaucoup me diront que c'est pas notre rôle, mais qu'ils financent et nous coulent. Alors que la France nage le crawl dans nos troubles. Un tourbillon d'infos bidon les couvre. Au fond, je crois que débile on les tous, car c'est pour les formes du vice qu'on les pousse. Mais je crois pas qu'on ait touché le fond, un jour ça s'aggravera. Tu comprendras que mon rap est sombre et sous des tas de gravats. C'est grave ma gueule, donc juste de la grammaire. Tu le vois, ce gars camé sous crack, il se dit ça gratte sa mère. Et le coup de grâce s'amène, vite fait pour ceux qu'on rien, qui viendra de secourir à un, tous livrés à soi-même, assoiffé de rêve, qui s'en réjouit si ce n'est la droite extrême. Et quand y'a plus de sesterce, notre dernier droit s'estère. J'espère qu'on le fera pas tous, dans le cas contraire on cannera doucement. Les petits sortent de l'école, direct ils regardent la douze. À qui profite un peuple ignorant, lequel cautionne un sbeul ignoble. On viole les normes, j'suis bien sorti de vos rangs, qui t'a coupé le courant. Et j't'ai ma télé par la fenêtre, la fourmilière c'est pas les couplets de Morange. Et tu voudrais que je me range, j'ai le style qui dérange, le stylo qui me démange. Le cinquième as, on va le sortir des manches.